J'attendrai que le ciel perde l'azur, que l'horloge oublie le temps, que la plage manque de mer, que les mouettes arrêtent de rire. J'attendrai que les étoiles dégringolent, les manèges cessent leur farandole, que le marchand de sable s'endort avant les enfants. J'attendrai que l'homme colonise Saturne, que la côte soit immergée comme inexorablement les glaçons fondent dans mon cocard. J'attendrai que tu changes d'avis, que tu prennes ta plus belle humeur et que tu viennes tout entière au rendez-vous fixé. J'attendrai à la limite du raisonnable. J'ai déjà tué mon ego. Il n'y a que les singes qui soient dignes. Moi je rampe comme un serpent. J'attendrai que les étoiles dégringolent, les manèges cessent leur farandole, que le sommeil empoigne la peine, elle emmène où je ne rêve plus.